LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Il faut se rendre compte qu'un Français dans sa vie, il mange 7 bœufs, 33 cochons, 1200 poulets, 20 000 œufs, 32 000 litres de lait. Allez, allez, au choix. Alors on peut acheter du gingembre cristallisé. 4 euros du 2. Avocat, tu veux pas d'avocat? Des melons séchés, des ananas séchés, des fraises. Le plus facile, c'est les premiers kilomètres. Concentrer une commande, la mettre dans un camion ou dans un mode de transport est très simple. Le plus difficile, notamment dans les villes, c'est d'arriver jusqu'au consommateur final, au client final. Des myrtilles, des baies de goji. Banane Martinique, la fève d'Algérie, il est magnifique. 420 000 km évités sur la route, et c'est tant mieux. Des figuettes sauvages, des abricots naturels, des dattes en branche, des dattes fourrées, de la mangue séchée. 15 secondes. Et des olives de toutes les couleurs. Une ville, c'est un rassemblement, faut pas l'oublier, de consommateurs qui sont pas nécessairement des producteurs. Ravitailler la ville, hier et demain. C'est 2 euros les corbeilles. Élise Gruau, Agnès Catou. L'intendant d'Orléans, de la ville de Chartres-en-Beauce, 1728. Il n'y a point de rivière navigable, ni chemin pavé, et comme on tire beaucoup de blé de cette ville et des environs pour la provision de Paris, il serait très nécessaire, pour en faciliter le transport, de faire une chaussée de 4 lieues entre Chartres et Maintenon, où le chemin est extrêmement mauvais. Il faut mettre 8 chevaux par charrette dans le mauvais temps, ce qui augmente le prix du blé considérablement à Paris, au lieu qu'il ne faudrait que 3 chevaux par charrette si le chemin était pavé. Troisième épisode, les transports de l'abondance. Si le chemin était pavé, il faudrait certes moins de chevaux. Mais les pavés, ça coûte cher. Et si, plutôt qu'un animal, on prenait un cheval de fer? Il faudrait quand même le nourrir au charbon ou à l'électricité et le mettre sur des rails. Ou alors un beau camion, avec son moteur thermique qui ronronne pour courir les continents. Oui, mais les camions, ça ne traverse pas les océans, alors que les bateaux et les avions, oui. Ah oui, mais là, c'est la catastrophe GES, gaz à effet de serre. Et tout ça transforme le prix, à la hausse, à la baisse, et pas que le prix, les équilibres de la planète. Et cette petite pomme qui roule alors, elle vaut combien? Ce que nous mangeons en ville est étroitement lié à l'histoire des transports. Si l'on s'est habitué à trouver des framboises, des avocats et des bananes toute l'année au marché, acheminer les produits alimentaires jusqu'au cœur des villes a toujours été un véritable casse-tête et un immense défi relevé par l'évolution des capacités de transport. Mais alors qu'aujourd'hui les villes semblent enserrées dans d'immenses tentacules de réseaux de transport saturés, je me demande quel est le prix à payer d'une table longue de milliers de kilomètres et quelle rationalité nouvelle pourrait résoudre toutes ces équations. Avec des acteurs de la logistique des transports et des chercheurs, nous essayons d'entrer dans les coulisses du transport alimentaire. Ça y est, on vient de dépasser les 8 milliards. Moi, dans ma vie, qui n'est pas si longue, j'ai vu l'humanité passer de 3 à 8. Puis on va passer à 9, puis à 10. Il est probable qu'on passera jamais à 11. Bruno Parmentier, économiste et ingénieur. Finalement, maintenant, les gens disent, on va monter à 10,5, 18, et puis ça va baisser. Alors, non seulement on est beaucoup plus nombreux, mais la population s'est regroupée. Bon, actuellement, la région parisienne, c'est 12 millions de personnes. Alors, inutile de dire que quand on met ensemble 12 millions de personnes qui mangent tous les jours, 3 fois par jour, on met 1 tonne par an dans sa bouche. À peu près 600 grammes de liquide, 400 grammes de solide, un peu plus d'un kilo par jour. Mais 1 kilo plus les pulsures, plus ce qu'on jette, etc. Donc finalement, on achète près de 2 kilos de nourriture solide tous les jours. Ben, quand on est 12 millions de personnes à Paris multipliées par 2 kilos, ça finit par faire beaucoup. Donc cette nourriture, elle peut pas être produite en Île-de-France. L'Île-de-France ne peut pas nourrir Paris. Mais l'Hérault ne peut pas nourrir Montpellier. La Gironde ne peut pas nourrir Bordeaux. Dès qu'on a des grandes villes, ben, il faut s'approvisionner beaucoup plus loin. Donc, historiquement, c'était pas très loin, parce que il n'y avait pas de grandes villes comme ça. Mais maintenant, les villes de plus d'un million d'habitants, il va y avoir pratiquement que ça. Bon, c'est aussi ça en Afrique, en Asie, n'en parlons pas. Et donc, ce problème d'étendre, finalement, la superficie de la ville pour préempter des terres agricoles sur des centaines de kilomètres est un problème très actuel. Quand on est à Paris, on mange du pain qui vient du blé du bassin parisien, on mange du lait qui vient de Normandie, on mange des patates qui viennent du nord de la France, on mange du poulet qui vient de Vendée, on mange du cochon qui vient de Bretagne, on mange des fruits et légumes qui viennent d'Espagne, etc. Donc, ça circule. Et donc, cette idée de dire, ça s'organise d'amener plus d'une tonne de nourriture par personne et par an dans chaque ville quand on est très nombreux, ça nécessite une organisation gigantesque qui va bien au-delà de la superficie de la ville. Quels seront les transports de demain pour apporter une meilleure réponse environnementale et marchande aux besoins alimentaires des villes ? Nous sommes à Lille avec Jean-François Grevet, historien spécialiste des transports. Ici, on est sur l'ancien chemin de halage, c'est-à-dire ce qui permettait de tracter les péniches, ou ce qu'on appelait dans le Nord les bélandres, un terme d'origine néerlandaise, hein, qui désigne un navire capable de naviguer à la fois sur mer et à l'intérieur des terres. Alors, on est en fait sur un des canaux hein, qui dessert ce qui est aujourd'hui la métropole de Lille. Alors devant nous, on a un paysage qui correspond justement à ce qu'est une plateforme multimodale autour de trois modes. On a bien sûr au premier plan le canal, le quai dans lequel on a des trains qui sont en train d'être formés, d'être chargés par des containers. Et puis, on a un trafic également de camions qui vient faire ce qu'on appelle soit le pré-acheminement, soit le post-acheminement. Et donc là, on voit devant nous les portiques qui sert au déchargement, et on voit justement là un camion qui est en train d'être chargé par un engin de manutention spécifique qui charge le container dans lequel on peut avoir toutes sortes de marchandises. Pour l'alimentation notamment, on peut avoir tout ce qui est produits secs. Et la voie fluviale ici, hein, ce canal, est relié au port de Dunkerque. C'est un des maillons hein, de cette chaîne de ce qui constitue ce qu'on appelle un hinterland, un arrière-pays portuaire, et également au port d'Anvers. On dit souvent que Anvers, c'est le premier port de France. C'est de là d'où viennent une grande partie de l'approvisionnement, y compris alimentaire. Donc on a des barges qui font la navette chargée de containers entre Anvers, Dunkerque. Et avec le percement du canal Seine-Nord, on imagine que cet axe va se prolonger vers Paris. Le port de Lille a fait en 2021 à peu près 9 millions de tonnes, ce qui est important. Et sur ces 9 millions de tonnes, on a 5 millions qui sont liés au transport routier. On a 2 millions de tonnes pour le fluvial et puis on a à peu près 500 000 tonnes pour le transport ferroviaire. Donc ça donne un peu la répartition entre les trois modes. Au premier temps de la vache, toute seule dans son pré, elle est là. Au premier temps de la vache, il y a l'éleveur, il y a la bête, et il y a moi. Et ma faim qui bat la mesure de mon estomac. Et ma faim qui bat la mesure, mesure aussi mes fins de mois. Une vache à 1000 francs. Une vache à 1000 francs. Comme ce serait charmant. Charmant. Comme ce serait charmant et beaucoup plus tentant qu'une vache à 2000 francs. Une vache à 1000 francs. Une vache à 1000 francs. Une vache à 1000 francs. Ferait le filet à 100 francs. Le rhum steak à 60 francs. Le gîte à 40 francs. La loyau à 30 francs. Une culotte à 20 francs. Une culotte à 20 francs. Une culotte à 20 francs. Ferait la côte à 15 francs. 15 francs. La poitrine à 12 francs, la bavette à 10 francs, le collier à 8 francs, le jarret à 4 francs, le jarret à 4 francs. Ce serait intéressant. Ce serait intéressant. Et plus avantageux pour faire un pot au feu. Et plus avantageux pour faire un pot au feu qu'un jarret à 1000 francs, un jarret à 4 francs. Vous êtes arrivé à Paris-Gare de Lyon. Jean-Pierre Williot, vous êtes historien de l'économie contemporaine. Pouvez-vous nous rappeler comment se réalisait cet approvisionnement avant les chemins de fer ? Il y a des approvisionnements qui viennent de très loin, avec des charrettes qui réparent des animaux, qui sont relativement lentes, avec un réseau routier qui s'améliore progressivement, mais qui peut, en fonction des saisons, être difficile à pratiquer. Et puis, les quantités qui sont transportées sont nécessairement des quantités limitées. Et puis, il y a un autre approvisionnement qui est lié à la proximité de la ville, c'est-à-dire l'ensemble des paysannes ou des paysans ou des cultivateurs qui ravitaillent la ville en venant dans le centre de la ville pour les marchés. Par exemple, des marchandes de fraises qui vont venir avec quelques paniers de fraises qu'elles vont essayer de vendre au marché en plein cœur de la ville. Et pour ces maraîchers qui vivaient dans la ceinture proche des grandes villes, si on prend l'exemple de Paris, jusqu'à quelle distance ils pouvaient cultiver pour avoir le temps de venir aux halles de Paris apporter leur production ? Le rayon, c'était à peu près 20-30 km au grand maximum. Et de ce point de vue-là, le chemin de fer a évidemment modifié la donne. L'intérêt d'utiliser le trafic marchandises pour ravitailler les villes est perçu vraiment dans les années 1860. Par exemple, sur le chemin de fer du Nord, l'ingénieur en chef de l'exploitation, Jules Petier, avait déjà perçu que faire des trafics de wagons laitiers pour augmenter l'approvisionnement laitier de Paris, c'était une bonne stratégie commerciale. Donc ce lait venant du Nord, qui s'est progressivement substitué aux laiteries et aux fermes qui étaient à l'intérieur de la ville, arrivait de plus de 60 km au nord de Paris. Un petit train d'arpajon, il venait apporter des légumes là. Il s'arrêtait sur le Carrousel. Oui, oui, un petit train qui était lent, comme je vous dirais. Oh, il y avait 7-8 wagons. Hein. Il arrivait tout seul. C'était un petit train, c'était pas un train comme. Et puis il était plein de légumes. Quand on était là, il y avait le train d'arpajon. Oui, alors, on s'est mariés en 35, les gosses... Le train existait déjà. C'est-à-dire qu'à... Oh oui, mais oui, j'ai toujours entendu parler du train, ah, j'ai bah, toujours connu, le train d'arpajon, bah, je pense bien, oui. Il était même beau à voir, c'est vrai. Oh, quand c'était on venait, superbe. Ils avaient le chic de faire les tas de choux-fleurs. Quand il y avait les légumes qui arrivaient, les fruits, tout ça, c'était étalé, c'était merveilleux. Quand on pense, par exemple, à un chemin de fer comme l'Arpajonnais, qui était... créé en 1894, ce chemin de fer collectait les productions maraîchères et horticoles ou fruitières de toute la région au sud de Paris. On allait quand même relativement loin, hein, jusque vers Étampes. Et ce chemin de fer apportait aux halles de Paris les récoltes de la région sud. Jean-Pierre Williot, nous sommes dans ce grande allée, ce grand couloir qui mène de l'entrée de la gare de Lyon jusqu'à la salle Méditerranée. Et on a un parcours iconographique dans les hauteurs, sur les murs, qui nous raconte ce chemin du PLM Paris-Lyon-Méditerranée. Alors en fait, c'est une présentation du réseau du Paris-Lyon-Méditerranée avec la mention d'un certain nombre de villes qui sont attractives par le monument. On prend le cas de Paris, on se retrouve devant le Panthéon, on fait... quelques dizaines de kilomètres, on arrive au château de Fontainebleau. On fait encore quelques centaines de kilomètres cette fois-ci et on aborde le territoire de la Bourgogne avec Vézelay, puis Semur en Auxois. En dehors du monument, il y a tout le paysage qui est présenté. Et dans ce paysage, il y a une attention toute particulière qui est offerte sur les productions, l'élevage, les productions agricoles, les productions agroalimentaires. Et puis on arrive enfin, quand on se retrouve à Marseille, au bout de 8 heures ou 10 heures de chemin de fer, sur les bords de la Méditerranée. C'est un train qui avait le plus long réseau en France, et qui était en même temps un train qui avait une diversité économique sur son parcours qui est exceptionnelle. C'est à la fois la dimension de trafic international vers la Riviera pour la clientèle anglaise qui, par exemple, va passer l'hiver sur la Côte d'Azur ou à Nice. Et puis c'est aussi une région qui est traversée comme une sorte de sillon où les productions agricoles et alimentaires étaient évidemment favorisées. La liaison Paris-Marseille, qui impliquait 359 heures de transport en 1650, puis 184 en 1782, s'effectuait en 13 heures en 1887. Et en 2023, 3h15 en TGV. Christophe Studeny, l'invention de la vitesse, 1995. Et qu'est-ce que cette ligne Paris-Lyon-Méditerranée a permis de changer dans le mode d'approvisionnement de Paris ? Alors, beaucoup de choses. D'abord, certaines régions favorisées climatiquement ont pu produire plus tôt que d'autres régions. Alors, par exemple, il y a des productions comme des salades, des fleurs, des fruits qui arrivent à maturité à une date avec parfois une anticipation d'un mois à deux mois sur les récoltes qui pourraient être saisies à Paris. Ils arrivent en primeur. Donc ça veut dire que le chemin de fer ouvre le ravitaillement alimentaire, l'approvisionnement, en facilitant une sorte d'abondance. Et les statistiques sont impressionnantes. Par exemple, entre les années 1890 et les années 1910, le trafic, par exemple, de choux-fleurs de Saint-Omer est multiplié par 3. La quantité de fruits et légumes qui arrivent de la vallée du Rhône, ce sont plusieurs dizaines de milliers de tonnes qui partent avec des trains qui ont une quinzaine ou une vingtaine de wagons. Et puis, bientôt, vont s'ajouter, dans les années 20, des chemins de fer avec des wagons isothermes, des wagons frigorifiques. Donc il y a vraiment une modification de l'alimentation qui est associée à cette capacité du chemin de fer à drainer les productions pour les faire parvenir aux principaux centres de consommation. Et ça va jusqu'à l'idée que les compagnies ferroviaires ont de développer des stations agronomiques, de développer des recherches culturales pour inciter les cultivateurs à avoir une variété, par exemple, de fruits qui sera très résistante à l'emballage et au conditionnement. Et ce sont ces variétés qui vont être privilégiées dans le trafic. C'est vraiment intéressant d'imaginer que la compagnie de chemin de fer s'intéresse au type de production agricole pour favoriser son réseau et l'approvisionnement des marchés. Exactement. Ça va jusqu'à organiser des congrès. Par exemple, en 1924, le congrès du pruneau à Agen. Eh bien, c'est un congrès qui est organisé par les compagnies de chemin de fer avec des ingénieurs qui ont une partie de leur fonction dédiée à la valorisation de ces productions. Pendant des mois, le pruneau d'Agen se remplit de soleil, du chaud soleil du midi. C'est pourquoi il est délicieux, si plein de force et de jeunesse. Pensez au pruneau pour varier et ensoleiller vos desserts. Vous êtes en train de décrire, Jean-Pierre Wilio, c'est les prémices de l'abondance et de la variété à laquelle on est maintenant habitué dans les marchés. Alors en fait, l'abondance, elle s'est créée étape par étape. Le 19e siècle change vraiment la donne parce que les méthodes culturales changent, parce que les capacités de production augmentent. Et donc il y a cette double entrée dans la transformation des pratiques qui est d'un côté des quantités de produits beaucoup plus importantes et de l'autre, des expéditions qui créent un calendrier qui se défait d'une certaine manière un petit peu des saisons. Donc ça veut dire que le chemin de fer modifie vraiment de fond en comble l'alimentation et amorce, mais à son échelle, une échelle régionale, des principes que l'on connaît aujourd'hui en ayant du raisin du Chili ou en ayant une mangue qui vient du Pérou. Le monde du début du 19e siècle, s'il faut le comparer à celui qui va naître, est immobile et morcelé. Le marché, cette entité fluide, d'envergure mondiale, est inexistant. On observe plutôt des marchés locaux dont chacun ne s'étire que sur quelques kilomètres et qui animent des économies insulaires où la division du travail n'atteint qu'un très faible degré. L'horizon marchand, au début du 19e siècle, correspond à la courte distance que peut arpenter un homme seul en une journée. Anthony Galuzzo, La Fabrique du Consommateur, 2021. Antoine Frémont, vous êtes géographe et professeur au CNAM en transport et logistique. Comment les transports au cours du XXe siècle ont-ils modifié l'offre alimentaire en Europe ? Je pense qu'au XXe siècle, ce qui caractérise la relation entre offre de transport et offre alimentaire, c'est une extrême ouverture des opportunités. C'est-à-dire que comme on est capable de transporter tout et n'importe quoi, en Europe, on a une explosion de l'offre alimentaire. C'est-à-dire qu'on s'en rend pratiquement même plus compte, mais du matin au soir, on consomme des produits alimentaires qui viennent du monde entier. Et si ça, c'est possible, c'est grâce derrière à la machinerie du transport qui met en interrelation différents modes de transport. Le transport maritime, le transport aérien, et puis le transport routier, pour que ça arrive dans les supermarchés. Le transport maritime, il se développe énormément à partir du 19e siècle, avec la révolution industrielle, et le développement des cargos, des paquebots, et donc on est capable de transporter des cargaisons de tout type de plus en plus importantes. Et ça, ça commence d'abord par les matières premières agricoles, par exemple les grains, les céréales. Et l'une des premières conséquences du développement du transport maritime, c'est que ça permet en fait d'équilibrer les marchés les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que là où il y a des déficits alimentaires, ça peut être compensé par des arrivées de production en provenance des zones qui sont en surcapacité de production. Par exemple, au XIXe siècle, aux États-Unis, la conquête de l'Ouest, la mise en culture progressive de l'Ouest américain et l'expédition donc du surplus de céréales qui est dégagé, qui est expédié et par le chemin de fer, avec des grandes lignes est-ouest qui traversent le pays, et le transport maritime, par exemple, pour aller à destination des pays européens. Et donc ça assure une sécurité alimentaire qui n'existait pas auparavant par un équilibre des marchés, en fait, entre marché déficitaire et marché en capacité. Le transport joue un rôle important dans la fin des famines parce qu'on est capable justement de rééquilibrer les marchés les uns par rapport aux autres. Et ça, grâce à du transport massif de vrac à bas coût. L'autre grande évolution au XXe siècle et qui va toucher les produits alimentaires, c'est bien évidemment la conteneurisation. C'est un Américain, c'est Malcolm McLean, c'est 1955 à Newark. C'est là que c'est mis au point, mais la technique, elle s'internationalise à partir du milieu des années 60. C'est là que le conteneur se répand sur l'Atlantique Nord, et puis après ça va s'étendre au reste du monde. Et donc, on met les marchandises dans des boîtes qui sont standardisées et on empile ces boîtes sur des navires standardisés que sont les porte-conteneurs. Et là, pourquoi est-ce qu'elle affecte aussi les produits alimentaires ? Parce que on a mis au point des boîtes réfrigérées, donc des conteneurs qu'on appelle des conteneurs reefer, où on est capable de transporter de la marchandise sous température dirigée. Donc ce qui change absolument tout, vous pouvez transporter des cargaisons de viande, de bananes, de pommes, de produits tropicaux, donc des denrées qui sont périssables, leur faire effectuer un trajet qui dure 15 jours, 3 semaines, et de conserver ces marchandises grâce au fait que le conteneur soit réfrigéré. Un bon exemple, le transport des bananes. C'est un produit assez extraordinaire, on contrôle complètement son mûrissement. À 11 degrés, elle ne mûrit pas. Et donc, on la transporte sous cette température très spécifique. Et puis, quand la banane va arriver sur le port, via ses conteneurs réfrigérés, elle va être mise dans des entrepôts réfrigérés. Et en fonction de la demande, on va livrer peu à peu les marchandises sur les marchés. Donc, en fait, le conteneur, il a permis d'étendre aux produits alimentaires ce qu'on fait pour les autres marchandises, c'est-à-dire une espèce de flux tendu. On amène les marchandises à consommer au fur et à mesure de la demande, ce qui évite du stock. C'est bon, on y va ? On part ? On est à bord de quel type de camion, Romain ? Alors, c'est un Renault T. Voilà, poids total en charge maximum 44 tonnes. Donc on peut mettre 29 tonnes de marchandises. Ça commence à faire des beaux camions ? Ça fait des beaux camions, et voilà, je fais ça depuis 21 ans maintenant, dont 20 ans chez Depot. Mon père était déjà conducteur routier, donc lui il était conducteur routier dans les années dans les fin 60. Alors les évolutions ont été nombreuses. Hein. Au début, il n'y avait pas de palette, de transpalette, c'était colis par colis, c'était à la main. Et au fur et à mesure, bon, on a inventé les transpalettes. Et maintenant, on est aux transpalettes électriques, ce qui nous soulage. Parce que les palettes, ça peut faire jusqu'à plus d'une tonne. Hein. Donc quand on doit les pousser à la main, on peut vite se blesser. Hein. Ce qu'on appelle les TMS, hein, les troubles musculo-squelettiques. On va vers le centre multimodal, là où il y a match, tu vois ? Aujourd'hui, pour le citadin qui se retrouve sur des autoroutes chargées de poids lourds ou dans des bus bloqués en centre-ville par des livraisons, le camion incarne la seule part réellement visible de l'immense continent transport. Et oui, voilà, c'est ça, où il y avait Flag, bah, c'est juste après. Mais comment s'est-il imposé dans nos paysages ? Aux environs de Lille, l'historien Jean-François Grevet nous fait découvrir l'entreprise familiale de Pau, qui s'occupe depuis trois générations d'acheminer au mieux les marchandises par camion. Cet objet à la fois iconique et souvent décrié. Ouais, à gauche au rond-point. Ok. On peut dire que dans les années 30, le camion est un affluent du rail. L'essentiel des systèmes d'approvisionnement des villes sont conçus autour du système ferroviaire hérité du 19e siècle. Et puis, on a toute une série de transformations qui vont donner au camion davantage de place. Parce que le camion apporte une souplesse, une régularité. Il va chercher les besoins ou les produits là où ils sont, notamment dans la cour de ferme, dans les marchés de gros, et puis il les amène vers la ville. Et puis, par l'adaptation de ses carrosseries, il va permettre de conquérir tous les trafics et se spécialiser. Les citernes vont permettre l'emport du vin. On a donc les camions pinardiers qui vont faire la route entre les zones de production viticole vers l'ensemble des régions. On a les camions minotiers qui emportent les éléments liés à la fabrication du pain. On a les camions de vrac sec, hein, qui vont emporter différents éléments. Et puis surtout, tout ce qui est produits frais. Et puis, bientôt, des produits transformés. Et on a, à partir des années 1950, le début de la mise en place de ce qu'on appelle une chaîne du froid, c'est-à-dire des camions qui vont être capables, par différentes innovations, de produire le froid, et ce qui va permettre, là aussi, des gains de parts de marché. C'est finalement sur le marché de l'alimentation que le camion l'emporte sur le rail. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a, en fait, jusqu'aux années 1970, une concurrence entre les deux modes, essentiellement, et on voit un effet de bascule qui fait que, par exemple, des régions comme la Bretagne, qui étaient mal desservies par le rail, vont précocement s'engager dans le transport routier pour notamment provisionner la capitale, les produits de l'agriculture bretonne, notamment le bétail, ou les produits de la marée, mais aussi tous les primeurs. Et on a, en 71, la fin du dernier train de marée. Tout est remplacé par le camion. Et le camion devient très compétitif. Et si on prend, par exemple, l'approvisionnement de Paris, qui se fait essentiellement par le biais de Rungis, qui est aujourd'hui le premier marché d'intérêt national en France, on a l'essentiel de l'alimentation qui vient par la route. Alors qu'initialement, ces marchés avaient été créés après la Seconde Guerre mondiale, hein, et mis en place à la fin des années 60, début des années 70, dans une optique d'arriver à la fois à être une place de marché, où les négociants, les grossistes et les clients utilisateurs se rencontrent et négocient les achats, mais aussi une place logistique assurant normalement un partage entre le rail et la route. Et finalement, pour diverses raisons, la route l'a emporté. Je vais aller doucement parce que comme vous n'êtes pas attaché... Romain Triboulois. Vous étiez déjà monté dans un camion ? Non, pas si grand. Pas si grand. Et vous, en tant que chauffeur routier, avec toute votre expérience, qu'est-ce que vous en pensez de cette solution de transport des marchandises, et notamment alimentaires, qu'est le camion, le poids lourd ? Le moyen est bon parce que c'est le plus flexible. Après, moi, je pense qu'il y a un petit peu des abus, notamment par rapport à ce qu'on appelle le flux tendu. Le flux tendu, c'est ce qui se passe par exemple avec Internet quand vous commandez. Vous commandez, oh chouette, on va me le livrer en moins de 24 heures. Oui, mais ça veut dire qu'il y a un camion qui va aller à l'entrepôt le chercher, un autre qui va le ramener à un autre entrepôt et un autre qui va l'amener au point de livraison pour vous. Et c'est ça que ça implique en fait. Et ça génère des flux vraiment conséquents de camions. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de camions sur les routes maintenant. Hein. Et il y en aura de plus en plus. Ça, vous pouvez l'observer, vous l'avez remarqué. Ne serait-ce qu'en 20 ans, 21 ans de conduite, oui, j'observe et je constate qu'il y a de plus en plus de camions. De toute façon, la preuve en est, il y a de plus en plus de bouchons. Les parkings sont saturés, on a de plus en plus de mal à se garer quand on doit faire notre coupure. Chose qui n'existait pas avant. Bon, on va aller voir si on charge. Mais toi, tu les charges pas aussi. Toi, tu les charges pas. D'accord, mais tu lui trouves un retour. Ok. Patrice Depau, vous avez une longue expérience du transport par camion et par route. Pourquoi, selon vous, ce mode de transport, d'acheminement de la marchandise s'est imposé en France, mais partout dans le monde aussi? Le camion s'est imposé rapidement, puisqu'il offre une souplesse, une rapidité, une réactivité immédiate entre le donneur d'ordre et l'exécution de l'opération. Et donc le camion a cette facilité de faire du porte-à-porte, bien entendu. Quels que soient les expéditeurs, les destinataires, ils sont tous accessibles par la route, donc ça ne pose pas de difficulté. Ensuite, on a une capacité de transport qui est assez élevée, puisqu'on arrive à emmener 25-30 tonnes par véhicule, donc avec des volumes relativement significatifs. Donc la réactivité, la traçabilité et l'implication, puisqu'on est plutôt dans un monde de PME, où on a une proximité avec nos clients, une proximité de restitution de l'information. Maintenant, tous nos véhicules étant connectés, donc on a une position immédiate. Donc je pense que l'outil camion est pour le moment indissociable à l'économie, hein, et qu'aujourd'hui, ça serait dommage de s'en priver sous différents prétextes. Le camion est vraiment l'outil fondamental de toute la chaîne d'approvisionnement aujourd'hui. Et en même temps, il a un peu mauvaise presse auprès du grand public qui peut râler de voir autant de camions sur les autoroutes. On parle de la pollution, etc. Comment vous réagissez à ça? Il faut bien qu'il y en a qui s'y collent, comme on dit. Les camions, ça correspond à un vrai besoin. On ne promène pas un camion pour le plaisir de se promener avec un camion. Il y a une nécessité économique, donc il faut des camions et on est organisé, on est structuré autour de cette activité. Ouais, j'arrive. Non, attends-moi là, j'arrive. Il a bien travaillé, Marilyn. Il m'a dit oui. Une vache à 1000 francs, comme ce serait charmant. Au deuxième temps de la vache, c'est à peine si je l'aperçois. Au deuxième temps de la vache, il y a du monde entre la bête et moi. Entre la bête et moi. Il y a le tueur qui passe la mesure, le transporteur qui lui emboîte le pas. Pendant que Fontanet nous assure que la viande de la vache, ne monte pas. Une vache à 1000 francs. Une vache à 1000 francs. Qui dans le Morbihan devient chemin faisant comme par enchantement. Une vache à 5 000 francs, en arrivant au Mans. Une vache à 5 000 francs. Une vache à 5 000 francs. On ne sait pas comment. Augmente de 20% en traversant le Mans et devient par conséquent une vache à 6 000 francs. Une vache à 6 000 francs. C'est pour vraiment tentant. C'est pour vraiment tentant pour les gens d'Orléans, d'enferrer innocemment. Une vache à 10 000 francs. Une vache à 10 000. En sortant de la ville, pris dans un tourbillon, devient un harpagon par un calcul habile. Une vache à 20 000, 100 000 à Montlhéry. 100 000 à Montlhéry. 200 à Juvisy. 200 à Juvisy. 300 000 à Orly, arrivant à Paris, à la porte d'Italie. La vache n'a plus de Paris, la vache est au Gobelin. Multiplié par 20. Multiplié par 20. Par 252 au carrefour Richelieu et par 817 en sortant de la Villette. Antoine Frémont, quand le consommateur va au marché, au supermarché, et après il déjeune, il consomme un repas et il a l'impression d'une proximité avec l'alimentation qu'il va consommer. Et en réalité, la chaîne de transport que cela nécessite est assez invisible. Effectivement, pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas? Parce que les produits alimentaires qu'on consomme sont en parfait état pour la consommation. Et pourtant, derrière, il y a eu une chaîne logistique qui a été très importante. Et ça a été une chaîne logistique qui passe par le transport maritime, mais qui passe aussi beaucoup par le transport routier et par des entrepôts de distribution qui sont ces points de regroupement et d'éclatement de la marchandise. Ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où un produit alimentaire est cueilli, il va tout le temps être en mouvement pratiquement jusqu'à ce qu'il arrive dans notre assiette pour les opérations de tri, pour les opérations de transport, à nouveau pour les opérations de tri dans l'entrepôt. Et en fait, il va être en perpétuel mouvement parce que quelque part, même si on a de la température dirigée, c'est quand même des produits périssables. Et donc, il y a une espèce de course contre la montre pour que ça arrive en temps et en heure dans notre assiette en bon état. Dans un monde où le pas du cheval constituait depuis toujours les talons de la mobilité, la vitesse sur rail brise les cercles locaux d'existence dans le mouvement d'une intégration planétaire et provoque le passage irréversible du jour à l'heure comme scansion nouvelle du rythme de déplacement et de vie. Christophe Studeny, L'invention de la vitesse, 1995. Nous sommes au port de la Bourdonnais à Paris, au pied de la Tour Eiffel. Derrière nous, c'est le musée du Quai Branly. Juste en face de nous, le musée d'art moderne. Et on a ce balai des camions qui viennent chercher les containers sur la barge. Et sur chaque container, on voit estampiller la marque Franprix avec sa célèbre pomme. Et on peut lire Franprix. Ce container arrive au cœur de Paris par la Seine. Et à côté, 20% de CO2 en moins sur la route. Et c'est tant mieux. Donc on va rencontrer les différents acteurs de cette logistique de transport fluvial. Je m'appelle Cédric Conrad, donc je suis responsable d'exploitation chez XPO Logistics et je suis depuis 4 ans sur le dossier Franprix sur l'activité fluviale. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça marche une journée typique ici au port de la Bourdonnais avec Franprix ? La barge arrive la veille entre 20h et 21h. À 5h du matin, ce balai, puisque c'est vraiment ça, 12 camions qui se stationnent, reculent, avancent, décaissent. Les conducteurs mettent leur tire-palette électrique. Donc voilà, il y a quand même une organisation assez militaire le matin, parce que les premiers magasins ouvrent à 6h du matin. Les conducteurs partent livrer donc leurs 12 caisses et reviennent charger leur deuxième tour. On décaisse les deuxièmes tours et on place les troisièmes tours. Et là, les conducteurs, après, terminent leur journée. Et ce qui permet aux mariniers de quitter le port entre 11h30 au mieux, midi et demi au plus tard. Donc l'idée du transport fluvial, est-ce que c'est pour résoudre ce problème du dernier kilomètre pour arriver en ville ? Donc oui, donc moins de camions sur la route, moins de temps passé dans la circulation, plus de facilité de partir du centre de Paris pour livrer les Paris intramuros. Donc voilà, tout le monde y trouvait son compte, y compris les magasins qui sont livrés plus rapidement. Dans la logistique urbaine et puis donc cette organisation du dernier kilomètre, Adeline Heitz, chercheuse en urbanisme, transport et logistique. Il y a un peu quatre volets qui vont nous intéresser. Il y a la question spatiale, où est-ce qu'on met les entrepôts qui vont être dédiés à l'organisation de ce dernier kilomètre ? Ils peuvent être localisés en périphérie des villes, des grands entrepôts qu'on a l'habitude de voir quand on prend l'autoroute. Ils peuvent être aussi de plus en plus à l'intérieur des villes. Il y a la question qui va aussi concerner le transport directement et les modes de transport qui vont être associés à ces flux du dernier kilomètre. Le transport de marchandises en ville, c'est principalement du camion. Plus de 90%, c'est du camion qui vient approvisionner les magasins ou les particuliers. Dans le camion, on met à la fois les gros porteurs et les véhicules utilitaires légers, les camionnettes. On voit de plus en plus apparaître les cargos vélos et la cyclo-logistique. C'est encore très minoritaire, mais ça a tendance à se développer de plus en plus, notamment au regard de tout cet enjeu environnemental très important, qui est le troisième volet qu'on va regarder, c'est-à-dire à la fois les émissions de CO2 et à la fois les polluants locaux, donc là directement sur la santé publique. Le quatrième volet, c'est l'impact social. On le voit notamment autour de la question de la main-d'œuvre. C'est des secteurs qui ont tendance à avoir du mal à recruter des personnels. C'est un travail très difficile, hein, la distribution urbaine. Donc là, on a bien nos quatre volets sur lesquels la distribution urbaine pose question à nous chercheurs. Alors, je suis Sébastien, donc le capitaine du convoi, du bateau pousseur et barge. Qui effectue les rotations entre Bonneuil et Paris. Et là, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Alors là, on va arriver sur l'heure du départ. Donc on va lâcher les cordes, détacher le bateau, et on va pouvoir prendre la navigation en direction de Bonneuil. Il faut compter combien de temps pour arriver jusqu'à Bonneuil-sur-Marne ? Environ 2h30 de navigation, avec le passage des écluses. Donc on va passer l'écluse de Saint-Maurice et l'écluse de Créteil. On va y aller, si vous voulez. J'attends le départ de la bourdonnée qui a pas mal. Ça y est, le dernier conteneur a été mis, donc on va pouvoir appareiller, donc effectuer le départ du bateau. C'est bon, c'est lâché. Ok, reçu. Alors là, on va atteindre la vitesse de 10 km/h. Donc c'est une navigation plutôt lente, mais pour des bâtiments qui mesurent 100 mètres de long, ça reste une vitesse très correcte. Maintenant, Jomy. Ouais, bonjour, je t'écoute. Ouais, bonjour, c'est pour savoir si on pouvait y aller. Ouais, je ralentis, vas-y, tu peux y aller. Claire, d'accord, je te remercie. Là, on arrive au pont des Invalides. Donc pour nous, il nous sert un peu de repère sur Paris parce que c'est le plus bas. Si ça passe ici, ça passera pour tous les autres. Donc là, vous avez baissé la cabine de pilotage pour qu'on puisse passer sous le pont. C'est bien ça. Et on va pouvoir le faire à plusieurs reprises parce que ça ne manque pas de pont. Et là, sur ce modèle-ci, on va monter à peu près 12 à 13 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Voilà. Musée d'Orsay. C'est vrai que là, c'est pas la course sur l'autoroute, les embouteillages, les camions. Non, c'est quand même plus paisible, moins stressant. Pas tout le temps, mais quand c'est de la navigation comme ça, où effectivement, là aujourd'hui, on n'est pas très nombreux, c'est un peu plus compliqué le soir, une fois que tous les bateaux de croisière vont se mettre en route, etc. Là, on arrive presque à saturation dans Paris. Actuellement, il est quasi impossible de rajouter un nouveau bateau passager sur Paris. Alors là, donc on arrive donc sur l'écluse de Saint-Maurice où bon bah les portes sont fermées et on peut voir qu'il y a déjà un bateau qui est en train d'effectuer le franchissement de l'écluse. La vieille numéro 2 Saint Bernard pour la vague. Non, on n'est plus sur la Seine. Non, on a engagé la Marne. On est à peu près sur 140 litres par trajet. Donc si on divise par les 42 conteneurs, ça fait pas beaucoup de litres de gasoil pour 20 tonnes de marchandises dans ce conteneur. Ouais, c'est bon. C'est bon, ok, vous avez les caméras. 3 litres de gasoil pour 22 km, ouais, c'est imbattable. 3 litres, faut le pousser le camion. Hein. Allez, reçu, bonne montée, bon courage. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est une expérimentation intéressante sur le plan environnemental, mais on est sur un modèle qui aujourd'hui n'a pas remporté l'adhésion de tous les autres opérateurs de la grande distribution et des autres secteurs, notamment du fait de son coût. Le camion reste le mode le plus compétitif de ce point de vue-là aujourd'hui. Alors il y a des systèmes de subventions qui permettent à l'entreprise de s'y retrouver. Maintenant, tant que le coût financier reste très important, il est peu probable qu'on voit cette solution se généraliser, à moins que les entreprises y soient vraiment contraintes par la force des choses via une réglementation très dure. Donc là, on effectue le demi-tour avec une entrée en marche arrière pour le port de Bonneuil-sur-Marne, là où on va effectuer la décharge des conteneurs et recharge des conteneurs pleins. Lorsque Johanna Blitman, en 1993, aux États-Unis, calcule le kilomètre alimentaire, celui-ci atteint 3540 km. Que faut-il entendre par ce chiffre ? Que le bien que vous allez consommer pour votre déjeuner a parcouru en moyenne cette distance pour rejoindre votre assiette depuis le champ. D'autres calculs mentionnent 2400 km. Cela dépend si on intègre l'emballage, carton, papier, encre, et la taille du pays. Peu importe, l'essentiel est l'ordre de grandeur. Apprendre que votre jus d'orange du matin vient de 8000 km en avion, alors que vous pourriez boire un jus de pomme produit à moins de 100 km de votre logement en banlieue parisienne, démontre l'absurdité de cette géoéconomie alimentaire. Thierry Pacot, Ville vorace et ville frugale, 2020. Antoine Frémont, cette notion de kilomètre alimentaire, qu'est-ce qu'elle signifie ? Et est-ce que notre kilomètre alimentaire a beaucoup augmenté au cours du XXe siècle ? Je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais nécessairement, il a très fortement augmenté par rapport à ce qu'ont pu vivre nos ancêtres. Et on voit tous les jours par l'abondance de ce qu'on a dans nos assiettes. Et peut-être c'est à la fois une formidable ouverture sur des produits qu'on n'était pas capable de consommer. Ça participe à la sécurité alimentaire, ça participe à notre diversification alimentaire, ça a aussi des effets pervers par l'hyperspécialisation que ça peut introduire dans certaines régions en matière de production agricole. Et le transport, là-dedans, il accentue les choses, c'est-à-dire qu'il crée un effet boule de neige. Donc, c'est-à-dire que le transport, et le transport maritime, il est au service de ce commerce, mais du fait des facilités qu'il procure, il crée cet effet boule de neige. Oh ben Julien, si c'est bien parce qu'on arrive sur ta partie, mais je sais pas comment on peut faire la transition. Julien Depau, vous êtes l'actuel dirigeant de l'entreprise que vous avez repris de votre père. Pour vous aujourd'hui, pour une entreprise de transport routier, quels sont les principaux défis à relever pour faire face aux enjeux d'aujourd'hui ? Le principal défi est le défi environnemental qu'on a tous à relever, qui est à la fois un défi environnemental au sens écologie et économique. Il faut que les deux soient compatibles. Ce qui est important, c'est de bien considérer que notre métier a une utilité. On rend service à l'économie, mais pour rendre ce service, on est émetteur de gaz à effet de serre et on doit faire en sorte de le limiter au strict nécessaire. Le premier enjeu est de massifier nos flux absolument, c'est-à-dire que les véhicules, à partir du moment où ils sont en circulation, ils doivent être optimisés pour être le plus efficient possible. La deuxième chose, c'est que on doit limiter absolument notre consommation. Et c'est en ce sens qu'on travaille sur l'éco-conduite, qui a la double vertu de travailler sur la partie environnementale et la partie sécurité, parce qu'on est moins accidentogène sur ce type de conduite. Et le dernier levier, c'est évidemment l'énergie qui est utilisée. Dans l'entreprise, nous, on travaille sur ce qu'on appelle chez nous le bouquet énergétique, c'est-à-dire que on a en tête qu'il n'y a pas une énergie pour l'instant qui peut venir supplanter toutes les autres. On peut parler d'hydrogène qui est un vecteur d'énergie ou ces autres sujets. Pour l'instant, ce qui est à notre disposition, c'est encore le diesel et c'est encore aujourd'hui la moitié de la consommation d'énergie de l'entreprise. On a une autre énergie qui est le B100, donc c'est au colza, c'est 40% de la flotte de l'entreprise et on réduit de 65 à 70% les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un vrai bel atout, puisque le colza utilisé comme énergie pour les véhicules est un coproduit. On produit du colza pour nourrir les animaux, on fait des tourteaux pour la nourriture animalière, on fait de l'huile alimentaire, on fait des produits pour la biochimie et on fait de l'oléo sang qui permet à nos véhicules de rouler. On a aussi du gaz naturel liquéfié qu'on utilise, du biogaz, et on est en train d'investir dans des véhicules électriques pour faire de la livraison urbaine et limiter les émissions de gaz et de particules. Bon, la réalité, c'est qu'on se retrouve plutôt, et ça, il y a des vrais choix à faire aussi, sur des moments d'engorgement de la circulation. Donc le tout livrer très rapidement, en instantané, et pouvoir retourner si ça ne me convient pas, en tant que consommateur, il faut peut-être y réfléchir, parce qu'il faut assumer les contraintes logistiques qu'il y a derrière. Au dernier temps de la vache, en rôti sur l'étal, elle est là. Au dernier temps de la vache, il y a un monde entre sa viande et moi. Et l'État. Qui prend des mesures, l'État qui mesure notre émoi. Et l'État qui prend des mesures, fait monter un peu plus chaque mois. De la vache à 100 francs, on a mangé autant qu'on en voulait. Autant qu'on en voulait, plus qu'il ne fallait, à midi au dîner, dans le café au lait de la vache à 500 francs. C'est déjà plus gênant. Moi, quand mange en moyenne 10 kilos par semaine, pour avoir mon comptant, je privais les enfants de la vache à 1000 francs. Il vaut mieux carrément se gaver d'ortolans et se faire des homards tartinés de caviar de la vache à 2000 francs. Ce sera pour le jour de l'an. On la mangera truffée sur un grand canapé et on gardera le foie gras pour les autres jours du mois de la vache à 5000 francs. Ça deviendra un placement. Avec mes lingots d'or dans mon grand coffre-fort, j'entasserai des rumsteaks et des coupons de beefsteak de la vache à 5000 francs. Ça devient décourageant. C'est pas qu'on soit méchant, mais un bonjour pourtant, il faudrait bien qu'on sache qu'on peut plus suivre la vache. On ne peut plus suivre la vache, la sale vache. Oh la vache, nous rendra fous. Oh la vache. Est-ce que t'as besoin de citron ? Non. Car la loupe. Calalo, non plus. Militant, non. Oui, un petit peu de militant peut-être. Oui, combien je te mets ? Antoine Frémaux, quand on est un consommateur citadin en Europe, on a vraiment l'impression d'une abondance sans limite présente dans les supermarchés, les marchés, les différentes épiceries des quartiers. Est-ce que ce sont les transports qui favorisent cette abondance et ce sentiment de nourriture illimitée à disposition ? C'est d'abord notre richesse. C'est parce qu'on est riche qu'on est capable d'avoir cette abondance-là. Quand vous allez dans un pays en développement, ça saute à la figure qu'on a un privilège immense. Le problème des pays en développement, c'est le gaspillage en amont de la consommation. C'est-à-dire qu'on va gâcher de la nourriture, on va gâcher des récoltes, parce qu'on ne sait pas bien la stocker et on ne sait pas bien la transporter. Et donc, avant même qu'elle ne soit consommée, il y a une partie de la production alimentaire qui est gâchée. Inversement, dans les pays riches, on sait parfaitement stocker, on sait parfaitement transporter, parce qu'il y a des normes, parce qu'il y a des règles, parce qu'on sait mettre l'argent en face pour que ça se passe correctement. Par contre, ça arrive dans votre assiette, et c'est là qu'on fait du gâchis, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à consommer tout ce qu'on a acheté ou tout ce qu'on a produit, et c'est là que le gâchis alimentaire se fait. Et puis, grenadier, papaye, non plus. Avocat, tu veux pas d'avocat ? C'est très bon, j'en ai plus, oh là là. Et donc, les transports, ils sont au service de cette abondance et ils rendent effectivement possible cette abondance. C'est-à-dire le fait que quand vous allez dans n'importe quel supermarché ou n'importe quel marché, vous avez des produits en bon état parce que derrière, vous avez une chaîne logistique qui permet que votre fruit, votre viande, elle arrive dans votre assiette sous des normes de qualité qui sont inédites par rapport à tout ce que l'humanité avait pu connaître auparavant. C'est dommage, tu veux pas les grenadiers aussi ? Adeline Heitz, vous qui êtes chercheuse en urbanisme, transport et logistique, comment est-ce que vous envisagez la meilleure solution pour acheminer l'alimentation jusqu'au cœur des villes ? C'est toujours difficile de demander à un chercheur la meilleure solution. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on utilise 90% le camion, et notamment des camions thermiques. Là, il faut engager, et les entreprises et les politiques publiques vont dans ce sens-là aujourd'hui, engager une transition importante vers d'autres modes ou des véhicules éventuellement moins polluants. Ce qu'on voit, et ce à quoi peut-être on ne s'attendait pas il y a 10 ou 15 ans, c'est l'explosion, ou en tout cas l'engouement pour la cyclo-logistique, que ce soit pour l'alimentaire ou pour le colis. On est plutôt sur ce type de produit qu'on va acheminer par vélo-cargo. Là où, il y a encore quelques années, c'était une solution assez risible, les gens riaient un peu de se dire « mais qu'est-ce qu'on va transporter par vélo ?» On voit qu'à court terme, ça fait partie des solutions les moins chères à mettre en œuvre et qui montrent une certaine efficacité en termes de distribution urbaine, tout en étant cohérente avec les réglementations qui sont imposées de plus en plus par les collectivités territoriales, comme par exemple les zones à faible émission. Et donc cette livraison à vélo, elle pourrait se massifier réellement pour rejoindre les centres-villes ? Alors, elle peut se développer, ça reste pas non plus un transport massifié, mais en tout cas elle peut se développer et on voit qu'elle se développe. Les politiques publiques la regardent d'un très bon œil, puisque évidemment on est sur quelque chose qui est totalement sans émission de CO2 et sans émission de polluants locaux. Donc la politique publique qui doit prendre en compte la santé publique, pour elle c'est une solution très intéressante. Plus difficile évidemment pour les entreprises du transport de marchandises, puisque on transporte évidemment moins en volume dans ces vélos cargo que ce qu'on pourrait transporter en véhicule utilitaire ou en camion. Mais on sent qu'il y a une tendance aujourd'hui à mixer ces deux modes-là et surtout à externaliser un dernier kilomètre à des entreprises qui seraient vraiment spécialisées dans cette distribution urbaine pour soulager les acteurs traditionnels de la distribution. Et ces nouveaux acteurs spécialisés de la distribution urbaine ont tendance à beaucoup proposer des solutions à vélo. Donc aujourd'hui, il y a une réflexion qui est en train d'être menée par les pouvoirs publics, par les acteurs du transport, quel que soit leur statut, quelle que soit leur taille. Jean-François Grevet, historien des transports. Pour essayer de répondre à cette question, qui est le défi, véritablement, à tout niveau, économique, environnemental, social aussi. parce que on est en train finalement de peut-être de basculer dans une économie de contraintes. Il y a déjà des normes très importantes. L'histoire du transport est faite de normes depuis au moins le 19e siècle. Et là, on voit bien que en fonction des normes, des interdictions de circuler ou de ne pas circuler, des types de matériel utilisés, des modes choisis, une partie des populations seront desservies ou ne seront pas desservies par les modes de transport. Et la mobilité personnelle et la mobilité des marchandises vont devoir coexister, coexistent déjà, mais peut-être qu'il y aura des mobilités qui vont devenir impossibles. Donc là, il y a un véritable défi, notamment par rapport aussi à l'énergie. Finalement, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, on peut dire. Là, on va voir, je pense qu'il y a quantité d'acteurs qui sont en train de s'emparer de cette question pour essayer de trouver des solutions. Mais il y aura de toute façon, du point de vue du consommateur, des questions à se poser quand même. Et nous sommes, vous et moi, consommateurs, acteurs aussi de cette histoire-là. Et de par nos choix de consommation, de par le prix auquel on est prêt à payer pour son approvisionnement, ça détermine en partie l'histoire à venir. Merci à Jean-François Grevet, Jean-Pierre Williot, Antoine Frémont, Adeline Heitz, Romain Triboulois, Patrice et Julien Depeau, Cédric Conrad, Sébastien Nett et Bruno Parmentier. La Vache à mille francs, musique de Jacques Brel et paroles de Jean Poiret, interprétée par Thierry Beauchamp. Une vache à mille francs. Extrait d'archives lu par Phil Bouvard. Comme ce serait charmant. Documentation INA, Mylène Touchet. Une vache à mille francs. Prise de son, Raymond Albouy, Arthur Gerbeau, Marc Garvenès, Johanna Gabric, Valentin Bobinet et Claire Levasseur. Mixage, Manon Houssin. La vache n'a plus de prix. Attaché de production, Marie-Vonna Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervan. C'était Ravitailler la ville, hier et demain. Troisième épisode, les transports de l'abondance. Oh la vache, la sale vache! La vache nous rendra folle! Un documentaire d'Élise Gruau et Agnès Catou. Fou! La vache nous rendra fou! La vache, la sale vache! Oh, la vache nous rendra fou! La vache, la vache, la vache nous rendra fou! La cour! Le procès du meurtrier Patrick Henry s'ouvre le 18 janvier 1977. Ses avocats, maîtres Boquillon et Badinter, vont tout faire pour lui éviter la guillotine. Retrouvez la reconstitution exceptionnelle d'un procès qui a marqué l'histoire du droit et de la justice française. Mais ce n'est pas le procès de la peine de mort, c'est le procès de Patrick Henry. Avocat emblématique, Robert Badinter sait qu'il tient là une occasion décisive pour rendre caduque la peine de mort. Le procès Patrick Henry, une série de 5 podcasts de Basile Adair. Patrick Henry, levez-vous. Réalisé par Cédric Ossire sur franceculture.fr et l'appli Radio France.